24 solo, mes couilles c'est du ciment, je suis très loin de ma cellule, celle-ci c'est pour la rue, pour les vrais qui la vivent, qu'on tout fait mais rien vu. Je parle des vrais qu'on vécu, la squad fait pas de boucan, une bécane, tu bégayes chez moi que ça mitraille, la banane tu connais, la rue la vraie connard, emballe-moi tes canailles, je te sors mon canon, c'est réel, c'est connu, toi personne te connaît. Je coupais des kilos, t'allais voir ta cali. Le petit pancani, c'est bien lui, l'as de pique, beaucoup rêvent de sa perte, mais il pète toutes les portes, les jaja sont en perte, moi j'achète mon appart, j'ai toujours pas d'impôts, partagez pas ma part, je suis serein, j'ai pas de faire pancatu pour ses sœurs, tu peux l'appeler, mais c'est devant la juge, il fait sur cette c'est pour Shakespeare, moi j'ai décidé d'être. Et non pas de paraître, moi personne ne paraît, je marche tout seul sur Paris, dans mes couilles, mon 38 des années que je suis pas haut et j'ai pas trouvé le parent. Arrête Pinocchio, pancani, va te fumer, c'est bien lui le plus futé, tes potes jouent tous la flûte, t'attends pas que je te flatte, Pendejo, fais pas de faute, c'est la rue, son seul fuite sur sa vie. Il écrit, il parlera de ses écoutes, son passé, de ses passe-temps qu'il graille avec des bastards. Maintenant c'est lui le piston du bitume au plafond, tout seul je fume mon split, celle-ci c'est pour débrief, je suis debout, c'est là-bas, tu me connais, j'abuse pas, un bon bus, pas un drap, en avant, pas traité, en avance, pas en retard. Une balle en retour et t'as cité, retiens, c'est la rue, pas de refrain, Momo n'a qu'un refrain. Ils ont brûlé le refus, ça rafale, pas de rafus, tu piqueras, pas de refus, on va lire, c'est le décor. On fout d'aller des cons, je te jure, je ne décolle pas, c'est la rue, c'est comme ça, les bébés font pas comme si charge en bas de la queue, ce du bitume au plafond, la squale dit pas de bêtises, beaucoup rêvent de buter, mais je suis pas prêt de fauter, futé, pas foutu, je tire, c'est pas des futés, c'est réel, hey, tu fantasmes, tu connais la formule, le petit gars est formé, le pancani, les rangs fous, pénis, faut leur faire masse, nous attirer dans le mail, il a suffi d'une balle, t'étais seul dans ta bulle, la vie a eu sa belle.